Depuis le 21 mai dernier, notre temps fut généralement pluvieux, très nuageux et frais. Ces conditions météorologiques furent causées par une dépression centrée sur l'Allemagne, suivie d'un marais barométrique et par un anticyclone centré sur la Scandinavie. Le total des précipitations sur les 30 derniers jours fut anormalement élevé. On releva un cumul de 55 mm au pluviomètre quand la normale saisonnière est de 30 mm. Alors que les villes de Wallonie sont les pieds dans l'eau, la population bruxelloise s'enivre de bière dans les cafés. Mais cette eau qui fait la bière, est-ce la même que celle qui tombe du ciel, pluie sans fin de ces saisons sans soleil? Si aujourd'hui l'eau qui coule du robinet à Bruxelles provient de Modave, mais aussi du Boc, du Hoyou, de Spontin et de la Haine, cela ne fut pas toujours le cas. Petit bout d'histoire. C'est là où la Seine commence à être navigable, ce cours d'eau de 103 km qui naît au nord de la Louvière et se jette dans le Rüppel, que se forma un habitat, puis un château fort au Xe siècle. Bruxelles était née. Bruxelles, le marais, et Sella, l'habitation. Au milieu de colonies d'iris jaunes, aujourd'hui symbole de cette glorieuse capitale. Outre la Seine, deux affluents ont servi de berceau à l'extension de la ville. Le Malbec, tout juste long de 10 km, et la Wolue, qui prend sa source dans la forêt de Soignes. À partir du Moyen Âge, on édifia des moulins à eau sur les différents bras de la rivière. Au XVIe siècle, on en compte 15. Des ponts sont construits. Le pont du Miroir, le pont des Riches Claires et le pont de la Carpe. Ils facilitent l'accès à la Grande Île ou Île Saint-Géry. Jusqu'en 1870, Bruxelles ressemblait à Bruges. Il y avait même des esturgeons. Période glorieuse pour les poissonniers, vanniers, tanneurs, blanchisseurs, teinturiers, sans oublier les brasseurs, dont l'apogée eut lieu en 1907, où on dénombrait pas moins de 3387 brasseries en Belgique. La production bruxelloise, obtenue grâce à la fermentation spontanée due au contact de deux bactéries qui ne prolifèrent qu'à Bruxelles, les Brettanomyces bruxellensis et les Lambicus, est à la base de la gueuse et de la crique. Après la seconde moitié du 19e, la pollution de la Seine oblige les brasseurs à sortir de Bruxelles. Seule une cinquantaine reste et seront petit à petit démantelés avec la guerre 14-18, car la guerre en avait après le cuivre des cuves pour le transformer en matériel meurtrier. Ah, la Seine! Rivière indisciplinée. Même quand est inauguré le canal de Willebroek en 1561, elle est souvent sujette à des crues, inondant des quartiers entiers de la ville et propageant de terribles épidémies. Typhus et choléra, faisant plus de 3500 victimes en 1866. Asséchée, rabotée, nivelée, déblayée, telles furent les préoccupations principales des Bruxellois, qui ont fini par voûter les cours d'eau, combler les étangs et mis les eaux de source et pluviales dans des collecteurs. C'est le triomphe du béton. Le canal de Willebroek a supplanté la Seine, dont le rôle s'est muté en réceptacle des eaux usées. Enseveli, disparu sous les boulevards Anspach et Le Monnier, l'activité économique s'est concentrée autour du canal. On a construit des quais, quais aux briques, quais au bois à brûler, quais à la houille, quais à la chaux, et des marchés, marchés au grain, marchés au porc, marchés aux chevaux. Bruxelles, à ce moment, aspirant à la grandeur d'une cité bourgeoise, urbaine et domestiquée. Même Léopold II dira en 1865 « J'espère que bien avant l'entrée de mon successeur, la capitale recevra de nouveaux embellissements, et notamment qu'elle ne souffrira plus des émanations d'une rivière malsaine. » On peut dire que ses désirs ont été exaucés, mais à quel prix ? À l'origine, les Bruxellois buvaient l'eau de la rivière ou de l'eau de pluie. Il y avait aussi des puits, ça et là, des poulen et des bores. À partir du XIVe siècle, de prestigieuses fontaines sont construites et des systèmes hydrauliques sont mis en place pour que les riches du Parc et du Kudenberg s'approvisionnent de l'eau du Malbec. Les autres se contentant des puits publics et des bornes fontaines aux jets ridiculement faibles. Milieu du 19e, avec l'accroissement de la population et le développement des water closets à l'anglaise chez les bourgeois et le développement des activités industrielles, c'est la pénurie de l'eau. On commence alors à construire des châteaux d'eau, d'où partent des conduits de distribution d'eau. Pour les alimenter, on va chercher l'eau avec un aqueduc jusqu'à Braine-l'Alleud. Pour amortir les coûts et forcer les gens à se connecter au réseau, la ville supprime les points d'eau publique où l'eau était gratuite. Avec le nouveau dogme de l'hygiénisme, des bains et lavoirs publics sont ouverts et on instaure un nouveau service d'incendie. En 1891, il y a une arrivée massive de députés du Parti ouvrier belge. À ce moment est créée la Compagnie intercommunale des eaux, l'ancêtre de Vivacois, une société de gestion publique. Il faut que les ouvriers soient en bonne santé pour que la révolution industrielle brille de mille feux. Pour étancher sa soif rageuse, la ville détruit le patelin de Petit Modave en 1930 pour aller pomper la nappe aquifère sous elle et s'en abreuver. Pour donner les chiffres d'aujourd'hui, 2 100 000 habitants bruxellois consomment 370 000 mètres cubes d'eau par jour. L'autonomie de Bruxelles en eau potable n'est même pas de 3%. Les 2/3 des ressources hydriques du pays sont en Wallonie, qui fournit, en plus de Bruxelles, aussi une partie de la Flandre. Vivacois est le 2e plus grand propriétaire terrien de Belgique, avec 1500 hectares, dont une partie a été transformée en réserve naturelle, où les papillons s'adonnent au papillonnage. C'est ici que je referme cette histoire. Cette histoire que je suis allée chercher dans le livre « Bruxelles, oh, mon amour ». Écrit sous la direction de Ricardo Petrella aux éditions Couleur Livre, édité en 2010. Et une prochaine fois, je me concentrerai sur les égouts et l'assainissement des eaux. D'ici là, chantez sous la pluie, car c'est elle qui nous abreuve. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a hand. Happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yada, yada, yada, yada. I'm happy again. dancing and singing.